Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Jesse James, un bandit de grand chemin devenu héros américain. Ce qu'on suppose être le cadavre du célèbre hors-la-loi Jesse James sera exhumé afin de procéder à des analyses d'ADN qui confirmeraient une fois pour toutes son identité. Une équipe de 15 chercheurs de l'Université George Washington espère aussi déterminer le calibre du projectile qui a tué Jesse James ainsi que l'angle et la distance à laquelle il a été tiré. Cette nouvelle sur l'exhumation du corps de Jesse James tombe en juillet 1995. C'est dire toute l'importance qu'occupe Jesse James dans l'imaginaire américain. Plus de 100 ans après sa mort, il fait encore la manchette. Hors la loi, sans scrupules et violent, s'attaquant essentiellement aux banques et aux trains de passagers, la légende de Jesse James finira pourtant par en faire un héros. Et cette légende, il va participer lui-même très activement à la construire, entre autres, par ses écrits. C'est Jesse James qui a dit « Les gens aiment bien les hors-la-loi. Dieu sait pourquoi ils restent dans les mémoires. » Ne nous crée pas d'ennuis, mon bonhomme. Je veux vos fils, Madame Samuel. Vous les voulez pourquoi ? Pour attaque de banque et de train, madame. Nous cherchons les Younger. Je suis Jim Younger. Lui, c'est mon cousin John. Vous ne le recherchez pas, il n'est pas dans nos coups. Il paraît qu'ils ont tué un des Younger. Il paraît qu'ils se sont trompés de Younger. Tu le leur feras payer, Jesse. Un extrait de la bande-annonce du film « Le gang des frères James » réalisé par Walter Hill en 1980 pour démêler ce qui appartient à la réalité et ce qui appartient au mythe quand on parle de Jesse James. Mon invité est Francis Langlois, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, spécialiste de la question des armes et de la violence aux États-Unis. Francis Langlois, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Jesse James aurait dit, en tout cas si on se fie à cette bande-annonce qu'on vient d'entendre, Jesse James aurait dit « Les gens aiment bien les hors-la-loi et ils reste longtemps dans les mémoires. En tout cas, dans son cas, dans le cas de Jesse James, c'est vrai, Francis Langlois, qu'il occupe aujourd'hui encore une importante place dans l'imaginaire, dans la culture populaire américaine. Pourquoi? Tout à fait. Ben, en fait, essentiellement, c'est qu'il représente un peu l'espèce de Robin des Bois, hein, qui s'attaque aux grandes forces du capitalisme. Il attaque les banques, les trains. Il se défend contre leurs agents, qui sont les détectives Pinkerton. Et il est capable de leur tenir tête. Et tout ça en défendant sa communauté, sa famille, et en étant capable de rétablir la justice, en faisant la différence entre le crime simple et, finalement, le crime qui serait ciblé contre les gens qui exploitent les autres. Ouais. Ça, c'est le beau côté des choses. C'est la légende. Tout à fait. C'est la légende de Jesse James. Mais il y a vraiment un décalage important. C'est ça qui est intéressant, puis on va l'explorer tout au cours de l'émission, entre la légende et la réalité. Tout à fait. Parce qu'effectivement, Jesse James et sa bande, parce qu'il y a eu plusieurs bandes autour de lui, n'hésitaient pas à voler tous les gens qui étaient autour de lui. Il rentrait dans un train, il pouvait vider les passagers. Mais la même chose, hein, s'il avait besoin d'un cheval, ben, il se servait chez ses voisins, il se servait là où il en avait besoin. Et il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'articles dans les journaux qui racontent comment il a jamais hésité à se servir là où est-ce qu'il en avait besoin. Pas beaucoup de scrupules. Non. Des méthodes, puis on va y venir, mais des méthodes très violentes aussi. Ça fait partie de la méthode Jesse James. Tout à fait. Il n'a jamais hésité à utiliser la violence. Par ailleurs, il a même aussi réglé des comptes qui dataient de la guerre civile. Il a assassiné des gens froidement, soit pour se défendre, mais encore là, parfois par simple vengeance ou par négligence aussi. Oui. Pour comprendre à qui on a affaire, parce que c'est intéressant les origines de Jesse James, parlez-nous un petit peu du milieu duquel il est issu. Donc, Jesse James vient d'une famille de classe moyenne aisée qui habite à la frontière ouest du Missouri, dans un comté qui s'appelle le comté de Clay. Et dans cette famille-là, ils ont des esclaves. Ils ont au moins 7 esclaves. Ils cultivent essentiellement du tabac, mais d'autres choses aussi. Le père de Jesse et de Frank James, hein, Frank James étant le frère, est un pasteur. Il va en Californie chercher de l'or. Il meurt là et la mère de Jesse James, qui s'appelle Zeralda James, va se remarier éventuellement avec un médecin qui s'appelle le docteur Samuel Rubin. Et donc, Frank James et Jesse James vont vivre dans un environnement qui est riche en termes monétaires, mais aussi en termes de culture. Oui. À la fin de la guerre civile, on sait qu'ils ont une bibliothèque d'au moins 100 livres. Et donc, à l'ouest, on est à la frontière du pays pratiquement à ce moment-là, bien quand même, une centaine de livres, ce sont des gens lettrés, ils ont été à l'école, etc., etc. Donc, oui, ce sont des gens d'une certaine catégorie de personnes. Maintenant, ce sont des esclavagistes. Et en 1861, arrive la guerre civile. Et la guerre civile au Missouri est particulière parce que, bon, on a la guerre civile qui oppose le nord au sud sur la question de l'esclavage. Oui. Mais au Missouri, le Missouri reste dans l'Union, mais il y a une forte population d'esclavagistes qui, eux, sont contre l'Union. Et donc, il y a une guerre civile à l'intérieur même du Missouri, voisin contre voisin. Et les James se trouvent pris là-dedans. Très rapidement, Frank James s'en va rejoindre les troupes confédérées qui combattent de façon irrégulière. Donc, ce sont des groupes de guerriers héros qui font des rapines à gauche, à droite. C'est très, très, très violent dans le Missouri même. En 1863, Jesse James est chez lui. Il y a des soldats de l'Union qui arrivent. Ils pendent son beau-père à plusieurs reprises parce qu'ils veulent qu'ils disent où se trouve Frank James. Ils vont fouetter Jesse. Et lorsqu'ils s'en vont, ils décident de rejoindre la guérilla confédérée. C'est un point tournant. Oui, c'est un point tout à fait. Et il va se joindre à un groupe particulièrement agressif qui est dirigé par un homme qui est surnommé Bloody Bill Anderson. Ouais. Donc, les méthodes de cet homme-là vont se refléter dans les méthodes de Jesse James plus tard. Et il porte très, très bien son nom parce que ses méthodes à Bloody Bill Anderson sont très, très violentes. Un mot sur ce gars-là, sur ses méthodes aussi. Mais qui est-il, ce fameux Bloody Bill Anderson? Donc, c'est un des chefs confédérés au Missouri. Et, bon, il s'attaque un peu à tout ce qui est contre lui. Il n'hésite pas, d'ailleurs, à piller et voler à gauche, à droite. Donc, on voit qu'il y a déjà un début là. Et il va participer à un massacre qu'on appelle le massacre de Centralia. Et les soldats de l'Union qui vont être tués, bon, ça c'est une chose, mais les soldats de l'Union qui vont être capturés vivants vont être ensuite scalpés. Ils vont s'adonner à tous les sévices possibles imaginables sur les corps des soldats. Donc, ça vous donne une idée. Et ça, c'est un parmi tant d'autres. Et il va avoir une gradation de ça pendant la guerre civile. Oui. Revenons à Jesse. Donc, il va à cette école, c'est important, de Bloody Bill Anderson. Et puis, il se met tout à coup, à un moment donné, à lui-même s'adonner à des activités criminelles. Ça commence avec les banques. Il va braquer des banques. Ça commence quand et dans quel contexte? Qu'est-ce qui l'amène, au fond, à se mettre à faire des vols de banques? Donc, en 1865, la guerre civile est terminée et le Missouri est dirigé par un groupe de républicains qu'on qualifie de radicaux, donc qui veulent exclure tous les gens qui ont participé à la rébellion. Donc, ça, c'est une chose. Donc, tous les gens qui étaient pro-confédérés sont à l'extérieur du système politique. Et donc, il y a beaucoup de ressentiments, un. Et deux, il y a beaucoup de règlements de compte à l'intérieur même du Missouri. Jesse James fait partie des gens de la Confédération, donc sa famille est victime de règlements de compte. Ils ont perdu leurs esclaves, ils ont tout perdu. Et on cherche à faire quelque chose, à se réintégrer dans une société qui ne veut pas nous. Alors donc, il y a plusieurs groupes comme ça, et ça, c'est vrai partout dans le sud, aux États-Unis. Il y a plusieurs groupes paramilitaires qui vont s'organiser spontanément, essentiellement des anciens confédérés, et ils vont s'attaquer à des banques parfois, mais essentiellement soit aux anciens esclaves ou encore aux troupes de l'Union qui sont là. Et donc, Jesse James s'inscrit dans ce contexte-là qui est plus large. Et oui, il va s'attaquer à des banques éventuellement. La première banque qu'on lui attribue, bon, il y a un débat là-dessus, on n'est pas sûr, mais disons, la première, en 1866, c'est une banque dans le comté de Clay. C'est une banque qui appartient à un groupe de vétérans de l'Union. Mm-hmm. Et il s'attaque à la banque parce que, bon, ben, on devine que des anciens confédérés, il n'y a rien de tel que de voler l'argent de l'Union. Et ils vont faire ça. Donc, ils vont posséder des opérations de banditisme et ils vont essayer de toujours viser des gens qui sont d'anciens unionistes, ouais. Disons que très rapidement, on finit par se tourner vers tout ce qui bouge. C'est ça, parce qu'il y a au début cette volonté réelle, volonté idéologique, là, cette volonté revancharde, mm-hmm. mais on va s'en éloigner parce qu'au fond, on se rend compte que ce qu'on veut, c'est un beau butin, puis ça devient un mode de vie. Là, oui, oui, carrément. Exactement, on veut de l'argent, oui, ouais. Tout à fait. Ce qui fait qu'il va, à un moment donné, se tourner vers les trains, mm-hmm. Après les banques, vers les trains de passagers. On parlait il y a un instant des méthodes violentes de Bloody Bill Anderson. Jesse James ne va pas faire non plus dans la dentelle. Écoutez ce récit de la première attaque d'un train menée par Jesse James et ses hommes le 21 juillet 1873. Une narration de Julien Bessette à l'émission Petite histoire des trains, navires et aéronefs, diffusée en 1978. Jesse James was a lad. He killed many a man. He robbed the Glendale train. He took from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Oh, Jesse had a wife. Les sept bandits partirent pour Adair. Une courbe de la voie fut choisie pour l'embuscade. Les traverses furent retirées et le gang s'embusqua dans la tente. Comme le train abordait la courbe, la locomotive fit une terrible embardée et s'affala sur le côté. Le mécanicien fut mortellement brûlé, son chauffeur grièvement atteint, 5 wagons et 2 sleeping cars quittèrent la voie. Dans le crépuscule, la vapeur s'échappait. Les roues de la machine tournaient follement, cependant que dans les voitures, les voyageurs effrayés et contusionnés rompaient par-dessus les sièges brisés afin d'atteindre les fenêtres. Tous croyaient à un accident grave. Soudain, de la lisière des bois, surgit un son terrifiant. Pour les passagers ayant vécu sur la frontière, il était d'une mortelle familiarité. C'était le cri glapissant des guerrilleros de Quantrill lorsqu'ils se lançaient vers le sang et le pillage. Un instant plus tard, les 7 cavaliers surgirent du bois pour galoper de part et d'autre du train comme une bande de peaux-rouges. 2 d'entre eux sautèrent dans le fourgon à bagages et forcèrent le postier à ouvrir le coffre. Puis, le chef du gang ordonna à ses hommes d'aller dénicher systématiquement chaque passager. Bagues, bracelets, montres, portefeuilles, bijoux tombèrent dans le sac de farine. Lorsque le dernier passager eut été nettoyé, Jesse donna le signal et les hors-la-loi s'évanouirent dans l'ombre, leurs coups de feu sporadiques et leurs cris s'affaiblissant progressivement. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. 3 children, they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. Ah, c'est assez clair, hein, Francis Landlois. On voit bien avec la méthode décrite dans cet extrait qu'il n'a pas beaucoup de scrupules, Jesse James. La fin justifie les moyens. Ce sera ça, la méthode Jesse James? Non, c'est au début qu'ils vont faire ça. Ils vont se rendre compte que c'est pas très, très payant de faire ça. Donc, ils vont bloquer les tracks aussi de façon plus régulière. On les fera pas carrément dérailler. Non, parce que bon, ça crée beaucoup de victimes. L'opinion publique est pas très, très, comment je pourrais dire, patiente face à des événements comme ça. Ils savent que les autorités vont intervenir plus rapidement s'ils font ça. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essentiellement bloquer les tracks de chemin de fer. Et ce qu'ils vont faire aussi, ça leur permet de faire les wagons et de vider tout le monde tranquillement, pas vite. Et là, il y a une multitude d'anecdotes de gens qui disent qu'ils étaient sur le train, ils ont reconnu Frank James, Jesse James ou les frères Youngers qui étaient leurs associés. Ils ont parlé avec eux, c'était des anciens confédérés, donc ils se sont fait redonner leurs choses. Ou une dame qui a ses enfants, se fait redonner son argent ou se fait donner une partie de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mm-hmm. C'est difficile. Mais bon, ça participe à la légende. Essentiellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attaquer les fourgons dans lesquels on transporte de l'argent, de l'or, différents produits qui ont de la valeur. Donc ça, c'est de façon systématique, ouais. On vide le dernier wagon du train. Ouais. Donc déjà, beaucoup d'anecdotes sur la manière dont procède Jesse James. Puis ces anecdotes-là, ça va construire une légende, en fait. C'est un hors-la-loi, sans trop de scrupules, parfois violent, parfois moins. Mais la légende, elle, va en faire une espèce de héros, une espèce de Robin des bois, du temps. On écoute là-dessus, vous allez reconnaître en fait l'extrait d'un dessin animé de Lucky Luke, le numéro si vous voulez, le dessin animé où on parlait de Jesse James. Un instant, monsieur Luke. Vous êtes bien Lucky Luke, n'est-ce pas? Oui, mais qui êtes-vous donc tous les deux? Et permettez-moi de vous présenter mon ami Fletcher Jones. Et mon ami Cosmo Smith. Nous sommes tous les deux... Des détectives de l'agence Pinkerton. Et que puis-je faire pour vous, messieurs? C'est une longue histoire, monsieur Luke. Nous pouvons résumer notre histoire en 2 mots. Jesse James. Eh bien, je vous écoute, messieurs. Les Pinkerton m'expliquèrent que Jesse James était un bandit du Missouri qui se prenait pour un Robin des Bois du Far West. Plus vite, Waldo, je dois déposer mon argent avant la fermeture de la banque. Halt! Je suis Jesse James, le Robin des Bois du Far West. Je dévalise les riches pour donner aux pauvres. Je suis pauvre, monsieur James. C'est lui le riche. Eh bien, il n'est plus riche du tout. Tiens, l'ami. Ah, chouette, merci. Youpi, je suis riche. Quoi? Tu as dit riche? Alors rends-moi ça. Mais je suis de nouveau pauvre. Tant pis, mais j'ai déjà donné. Ah, c'est assez savoureux, Francis Langlois. Bien sûr, c'est un dessin animé qu'on entend de Lucky Luke, mais il y a tout là-dedans. Il y a du vrai, là. Il y a plus que de l'anecdotique. C'est ça, la légende. En gros, grossièrement, c'est Jesse James qui veut qu'on pense qu'il est une espèce de Robin des Bois. Ben oui, tout à fait, parce que la différence entre lui et les multiples autres bandits du même genre, c'est que lorsqu'il commence à voler des banques, il se fait accuser assez rapidement. Et là, dans les journaux, se mettent à apparaître des lettres qu'il signe et dans lesquelles il défend son intégrité. Il dit, j'ai des témoins qui disent que j'étais avec eux, j'ai pas participé à ça. Donc, ça commence par ce type de lettres-là. Et graduellement, il élargit le débat, disons. De façon très intelligente, il va dire, écoutez, moi, je suis pas un voleur, mais par contre, je peux vous dire que l'administration du général Grant à Washington, ça, c'est une organisation de voleurs. Les grandes banques, ce sont des voleurs. Les compagnies de chemin de fer qui chargent aux fermiers des prix exorbitants, ça, c'est des voleurs. Mm-hmm. Les Pinkerton, hein, puis d'ailleurs, l'agence Pinkerton va attaquer littéralement la ferme de la mère de Jesse James en croyant qu'ils sont là. Ils vont lancer une bombe fumigène dans la maison pour la vider. La bombe va rouler dans un foyer. Elle va exploser. Ça va tuer le jeune frère de 13 ans. La mère de Jesse James va perdre sa main gauche ou droite, peu importe. Et là, on a cette idée-là qu'il est victime de forces capitalistes et tout. Et donc, Jesse James va jouer sur ça, va mm-hmm. beaucoup... Et alimenter lui-même, parce que, encore une fois, c'est un lettré, c'est un bandit de grand chemin, mais c'est quelqu'un d'instruit. Donc, il utilise la plume pour mousser sa propre légende. Oui, et donc, il dit quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, qui se défend contre les grandes forces des États-Unis, etc., c'est quelqu'un comme Jules César, c'est quelqu'un comme William Wallace, etc. Donc, il cite des gens qu'on ne serait pas habitué de voir dans les journaux du Midwest américain. Donc, il se place dans quelque chose de beaucoup plus large. Il y a quelque chose de très, très moderne dans ça, cette espèce de souci de vouloir absolument contrôler l'image qu'on projette. Quelle image? Bon, l'image qu'il veut projeter, on l'a un petit peu abordé, mm-hmm. mais pourquoi c'est si important pour lui? Je pense qu'il a compris qu'il doit maîtriser cette image-là pour avoir un minimum de support de gens, des gens qui sont proches de chez lui, de chez ses parents, etc. Il y a ça. Je pense qu'il veut laisser une trace dans l'histoire qui va être autre que celle du simple bandit. Ouais. Ceci étant dit, faut jamais oublier qu'il a jamais hésité à éliminer ou menacer quelqu'un qui disait oui, je l'ai vu à tel vol de banque, etc. Mm-hmm. C'est arrivé à plusieurs reprises. Mais évidemment, il a réussi à mousser cette vision-là qu'il avait de lui-même. Oui, puis ça a marché, parce qu'on a déjà entendu un extrait de bande-annonce, on va en entendre un autre dans un instant. Elle existe, cette légende-là. Justement, sur la mort de Jesse James, deuxième extrait de bande-annonce pour vous, il meurt en 1882, mm-hmm. il n'a que 34 ans, assassiné par Robert Ford, un de ses complices. Et le film, écoutez bien, un film qui est réalisé par Andrew Dominik, qui s'intitule, réalisé en 2007, « L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford ». Et ça donne ceci. Quand je pense que je suis assis à côté du grand Jesse James, j'en ai passé des nuits blanches, les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte à lire vos aventures. C'est qu'un tissu de mensonges. C'est intéressant tout ce qu'on a en commun, vous et moi. Vous êtes le plus jeune des trois frères James et je suis le plus jeune des cinq frères Ford. Vous avez les yeux bleus, j'ai les yeux bleus, vous faites 1m73, je fais 1m73. Je suis persuadé que j'ai un grand destin, monsieur James. Tu m'envoies des signes qui font que je me demande si t'as pas changé d'avis sur mon compte. J'arrive pas à savoir. Tu veux devenir comme moi? Où tu veux être, moi? Toute ma vie, j'ai été un moins que rien. Je sais que j'aurai qu'une chance et j'ai pas l'intention de la laisser passer. À mon avis, si t'as quelque chose à avouer, il est temps de cracher le morceau. Dialogue entre Jesse James et Robert Ford dans cette bande-annonce. C'est Robert Ford qui aura la peau de Jesse James. Comment ça va se passer, Francis Langlois? Donc, Robert et Charlie Ford sont deux frères qui sont des petits cousins éloignés de Jesse James. Ils font partie de la dernière bande de Jesse James. À ce moment-là, Frank James n'est plus dans la bande. Et là, ils sont dans la maison, lorsque l'assassinat se produit, ils sont dans la maison de Jesse James et Jesse soupçonne fortement les deux frères de vouloir accepter l'immense récompense qui est sur sa tête. Et là, contre toute attente, il est dans la maison, il se lève, il enlève son ceinturon, il monte sur une chaise et il place un cadre. Et là, Robert Ford, immédiatement, sort son revolver et tire derrière la tête Jesse James qui s'écroule par terre devant sa femme et ses enfants. Donc la mort elle-même est extrêmement dramatique. Et là, les deux frères Ford se poussent, vont chercher les autorités. Et voilà, Jesse ouais. James a été tué. Il touche la récompense. Mort effectivement dramatique, il est tué lâchement. Il le tire dans le dos et ça donne ce titre, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Mais c'est fascinant parce que autant il a contribué lui-même à sa propre légende pendant sa vie, sa mort, les circonstances de sa mort vont aussi, Francis Langlois, participer à sa légende. Tout à fait, parce que bon, il est tué lâchement. Ensuite, Robert Ford lui-même essaie de faire de l'argent sur ça en faisant une pièce de théâtre dans laquelle il met en scène cette mort-là. Évidemment, tout ça est récupéré par de grandes entreprises comme le cirque de Buffalo Bill, où est-ce que même Frank James va travailler là pour dire « Oui, regardez, c'est ça qui est arrivé, pour de vrai, non pas ce que Robert Ford affirme. » Robert Ford va être assassiné par quelqu'un qui est un supporter de Jesse James. Charlie Ford va se suicider. Bref, autour de la mort, il y a quelque chose de vraiment particulier. Et lorsque Jesse est tué, son frère se rend immédiatement au gouverneur Crittenden, qui est le gouverneur du Missouri. Et là, il y a une cérémonie, ils boivent le thé ensemble. Et le gouverneur Crittenden rencontre un homme qui, oui, effectivement, était un bandit, mais un homme lettré avec qui il a un plaisir à parler. Éventuellement, Frank James va se lancer en politique. Il va être un populiste. Il va se présenter comme candidat populiste. Un des anciens associés de Jesse James, Cole Younger, va devenir un socialiste. Et là, c'est là qu'ils vont dire, on se battait contre les grandes entreprises, etc., etc. Évidemment, ça se poursuit, là. Oui. On continue d'écrire cette légende. Tout à fait. Évidemment, ils enlèvent tout ce qui est moyen propre, ouais. Mais il reste qu'ils vont continuer à travailler sur cette légende-là. Ouais. Et puis, évidemment, ça va devenir cette légende, Jesse James, ça va devenir des films, ça va devenir une émission de télé, ça va être partout, en musique, en littérature. Quelle importance ça va prendre dans la culture populaire américaine? Énorme. À la fin du 19e siècle, il y a quelque chose qui apparaît, ça s'appelle des dime novels, des romans à 10 sous. Et Jesse James est un des personnages les plus populaires. Il se retrouve partout en Europe. Il arrive 56 000 aventures. Ensuite, comme je vous disais, il est récupéré par le cirque de Buffalo Bill. On fait des films. Le premier film qui est fait, hein, le Great Train Robbery, ben, c'est un peu un exploit de Jesse James de voler un train. Hein. Oui. Et donc, ça explose partout. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, le petit-fils de Jesse James a même eu son émission de moto, là, Pimp ma moto, quelque chose comme ça. Il jouait là-dessus en disant, moi, je ne paye pas mes impôts à des voleurs, là, je ne paye pas mes impôts au gouvernement. Il était fier de le dire. Et on peut dire que aussi des émissions comme Duke of Hazzard, dans lesquelles les frères Duke ont un oncle qui s'appelle Jesse, puis leur voiture s'appelle General Lee. Vous voyez, tout est là. Donc, allusion directe. Définitivement. Francis Langlois, c'était fascinant. Professeur d'histoire au cégep de Trois-Rivières, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis, la chaire Raoul Dandurand. Merci infiniment, Francis. Ça me fait plaisir, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.